Bonjour à tous, c'est le moment de se poser, de se détendre et de retrouver Antoine Joulin, notre sophrologue maison. Bonjour Antoine. Bonjour Marlène. Une nouvelle chronique bien-être aujourd'hui qui va avoir pour thématique le sommeil. Eh oui, le sommeil, grand débat, on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Ton sommeil, il est comment? Tu me prends de court là. Oui, j'aime bien prendre les jours dépourvus, c'est la petite question qu'on pose tous à ses collègues le matin. Alors, t'as bien dormi? En règle générale, ça va, les journées sont assez remplies pour que ça fasse de bonnes nuits, mais il peut arriver que le sommeil soit difficile à trouver. Tu veux dire que tu fais exprès de remplir tes bonnes journées pour avoir des bonnes nuits? Tu veux t'épuiser pour bien dormir? Comme beaucoup de gens en fait. Le sommeil, c'est une grande problématique aujourd'hui et qui est révélateur de beaucoup de choses. Donc il faut faire confiance en son sommeil comme on pourrait se faire confiance en soi. Je vais dire les petits plus du sommeil, c'est important de le rappeler. Déjà, on va commencer par les enfants. Sans sommeil, on n'a pas une bonne croissance. Et c'est très important pour le rappeler à mes enfants très régulièrement. On doit bien dormir et on commence par bien dormir, on commence par se coucher tôt. Oui. Donc on ne se couche pas avec les poules à 18h, mais il ne faut pas dépasser pour les enfants 20h, 20h30, c'est bien. Hein, surtout quand ils se lèvent le matin à 7h, 7h30. Il faut qu'ils puissent faire des très bonnes nuits pour avoir une bonne croissance et un bon équilibre cérébral. Donc le sommeil, c'est un régulateur hormonal. Donc chez l'enfant, on va jouer sur tout ce qui est création, pour être un peu plus technique, un peu plus scientifique, de tout ce qui est lymphocyte T, donc toutes les nouvelles cellules qui vont créer le système immunitaire. Mais pour nous aussi, on va être dans la régénération des cellules. Donc il faut un temps de sommeil assez long, assez reposant pour vraiment recréer des nouvelles cellules, rejeter les mauvaises cellules. Ça va nous aider aussi pour la mémorisation. Mmh. Très important, la mémorisation. Parce qu'on ne parle pas que de la mémorisation de grands textes, mais de la mémorisation de tous les jours, de ce que vous faites, les petits mémos. Plus on va dormir et avec un sommeil équilibré, réparateur, un sommeil reposant, un sommeil profond, et là on va vraiment mémoriser les choses qu'on a emmagasinées et on va faire le tri. Le rêve fait partie de ces, on pourrait dire, ces disquettes d'éjection de nos tris du cerveau. C'est pendant le sommeil profond, le cerveau va mettre en place certaines choses, certaines hormones, qui vont faire le tri de tout ce qu'on a vécu. Et voilà. Et c'est grâce à ça qu'on va gérer nos émotions un peu mieux le reste de la journée. Alors, est-ce que tu fais partie de ces personnes, Antoine, qui ont le petit bloc-notes sur la table de nuit en se disant ah, « Tiens, les bonnes idées viennent le soir, la nuit je me réveille, je note un truc. » J'avoue que ça m'arrive. Mais j'essaye de passer toujours, déjà 90% de mon temps de sommeil est, je vais dire, parfait, parce que je mets des choses en place depuis très longtemps. Je sais que c'est plus profitable de faire une belle bonne nuit plutôt que de se dire « Allez, on va se réveiller, on va noter, on va… » Voilà. Finalement, ce qui reste le matin, c'est bien. Voilà, ça permet de voir aussi ce qu'on a vraiment acquis, ce qu'on a vraiment refoulé aussi. Hein, parce que si on se lève le matin avec la même pensée anxieuse du soir, c'est un bon indicateur de ce qui se passe dans notre tête. On pourrait aussi s'illusionner à dire « Ah là là, je suis pas bien, je dois avoir des problèmes physiquement, j'arrive pas à dormir, j'ai des choses qui tournent dans la tête, mais de tout. » Souvent, on n'a jamais besoin de chercher loin. C'est souvent ce qu'il y a de plus proche de nous qui va affecter notre sommeil, notre réflexion. Et moi, quand les gens me disent « j'arrive pas à dormir », généralement, ils vont pas chercher bien loin. Si je leur pose 2-3 questions, ça va être le travail, la vie de couple, les enfants, voilà. Ouais. Problème d'argent, des fois. Malheureusement, ça fait partie des problèmes de sommeil. J'aime bien le répéter, les problèmes d'argent tuent pas, même si ça aide pas, mais voilà, c'est... Et... Alors, tu parlais de sommeil profond, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de sommeil. Exactement, on va pouvoir rebondir là-dessus, il y a des cycles, on fait 4 à 6 cycles par nuit. Voilà, des cycles durent à peu près 90 minutes, hein, c'est ce que j'avais un peu récolté comme information à droite à gauche. Hein, les scientifiques ont pu, alors c'est très facile à mesurer, hein, il y a même des salles de sommeil qui existent, et d'ailleurs certains hôpitaux recherchent des gens qui peuvent contrôler leur sommeil. Donc bonjour, bienvenue, allongez-vous et dormez. C'est exactement ça, alors il y a toute une préparation, et pour parler de préparation, je vais pouvoir rebondir là-dessus aussi. pour bien dormir et on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Il est déconseillé de faire, par exemple, une grosse heure de cardio ou de musculation ou des choses très énervantes juste avant de dormir. Mm-hmm. Ça, le corps il va avoir besoin de se reposer, et de reposer les muscles, de détendre tout le reste pour enfin se préparer et faire redescendre le taux de vigilance et enfin bien dormir. Il faut éviter aussi de manger trop gras, trop lourd. Hein, vous savez, hein, l'expression « se sentir lourd », c'est pas pour rien. Si on a un ballon de rugby à la place du ventre, pour bien se positionner, c'est déjà compliqué. Mais c'est surtout que le travail de l'estomac et de la digestion va se mettre en place. Et là, on va pas favoriser le sommeil. Ne pas se mettre dans des pièces trop chaudes. Vaut même mieux favoriser le froid, hein, frais et froid. Vaut mieux bien se couvrir avec une couverture plutôt que d'avoir trop chaud, hein, parce qu'on va favoriser tout ce qui est sécheresse au niveau buccal, au niveau sinus, ça gêne pour dormir. Une bonne respiration, c'est important. Si vous avez des problèmes au sinus à chaque fois que vous couchez, je vous conseille d'aller voir un ORL. Ça débloque sur beaucoup de choses, généralement. On se rend compte que les sinus débloqués, on va avoir un meilleur sommeil. Et on peut être amené à des choses beaucoup plus graves, comme l'apnée du sommeil, hein, qui est une privation de respiration pendant un laps de temps. Il y a des gens qui se privent de respirer pendant de très longues minutes, contrairement à ce qu'on pense. Et là, on va vraiment avoir des conséquences graves, hein, comme l'hypertension, comme le plus grave, c'est carrément des micro-AVC. Pendant le sommeil, et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont après équipées contre l'apnée du sommeil retrouvent un équilibre. Hein. Déjà, il n'y a plus cette fatigue journalière, il n'y a plus cette anxiété permanente, cette nervosité. Voilà. On rétablit un repos et donc on rétablit un équilibre. Alors quand ces cycles, donc 4 à 6 cycles par nuit d'environ 90 minutes, oui. Quand j'ai terminé 90 minutes de sommeil, est-ce que je me rends compte que ça se traduit comment la fin d'un cycle ? Je me retourne, je me réveille, qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a la première phase qui est le sommeil profond, où on tombe vraiment, on va dire, dans un demi-coma, où là c'est que les organes vitaux qui vont être en place, plus le système hormonal, hein, qui doit être en route, sans rentrer dans les détails, parce que c'est très très complexe quand on est dans la phase sommeil. Et après on passe dans un sommeil léger, on appelle ça un sommeil léger, puis paradoxal. Et le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Ah oui. Rêve ou cauchemar, hein. De toute façon, c'est la même chose. Cauchemar ou rêve, j'aime bien expliquer ça, c'est-à-dire que quand on fait des cauchemars, c'est-à-dire que notre émotion était dans la tendance du cauchemar, dans l'anxiété. Si on était un peu anxieux ces derniers jours, on va plus cauchemarder 2-3 jours après avoir vécu un événement, ou des fois ceux qui sont plus réactifs, ils vont être dans la nuit même de quelque chose qui les a contrariés. Et par contre, si on est plus dans le rêve, même excitation, euphorie, etc., là on va être plus dans une dynamique qui va bien, etc. Est-ce que tu crois, toi, à l'interprétation des rêves selon... On peut lire tout un tas de choses. Je rêve de serpent, c'est signe de trahison. Je rêve de mariage, c'est signe au contraire d'un deuil. Il y a des choses comme ça qui se disent. Est-ce que ce soit vraiment une signification Je crois qu'il faut écouter sa propre interprétation. Mm-hmm. J'aurais pas envie de chercher maintenant, avec les connaissances que j'ai, je n'aurais pas envie de chercher dans un livre de contes ou d'explications anciennes qui me diraient effectivement, on rêve d'un chien qui mord, c'est quelqu'un nous veut du mal, les dents tombent à gauche, c'est papa, les dents tombent à droite, c'est maman. Mais par contre, sont sa propre interprétation, mais je revendique l'écoute de ça. De se poser 3-4 minutes, alors moi je vous dirais de respirer si on était en séance de sophrologie, avant de commencer la journée, hein, un petit verre d'eau et une petite séance de respiration. Hein. Mais là, juste écouter, se dire, bon, j'ai rêvé de ça, quel ressenti j'ai eu ? Voilà, est-ce que j'étais vraiment pas bien ? Est-ce que finalement j'étais bien, etc. Et là, de se dire, bon, il y a eu ça, effectivement, telle personne en ce moment, pour ceux qui rêvent de beaucoup de personnes, mais par contre, ne pas aller chercher des choses trop alambiquées, hein, parce qu'il y a des gens qui vont rêver de choses vraiment, vraiment, vraiment très trash, hein, vont dire, et ils ne vont pas l'être. Ouais. Mais par contre... Non, puis on peut être influencé par ce qu'on a vu à la télé la veille au soir, enfin, dire, c'est pas significatif. Exactement. De grand-chose. Hein. Voilà, mais c'est bien pour certains qui ont peur de souligner que voilà, le cerveau capte même plus de choses qu'on analyse, et effectivement faire un mix de tout ça et peuvent mixer par rapport à tout ce qu'on a vu dans notre vie. Donc un souvenir qui ressurgit de nulle part, mixé avec des films de science-fiction, mixé avec ce que vous vivez tous les jours, ça fait un superbe rêve et cauchemar. Par contre, si vous vous souvenez, je vous invite à les noter et à les relire des mois après. Là, il y a de quoi s'amuser. Je vais quand même énumérer quelques petites choses qui pourraient vous faire dire à la maison « Ah, mais c'est peut-être pour ça, c'est peut-être juste la qualité de mon sommeil. Est-ce qu'on pourrait croire qu'on dort bien ?» Et en fait, on dort, mais on dort pas si bien que ça. Par exemple, quand on ronfle beaucoup, pareil, encore une fois, je conseille d'aller voir son médecin, d'en parler, ORL, etc. Parce que j'avais un ORL qui n'exerce plus maintenant, mais qui disait « Quand on ronfle beaucoup, on ne dort pas. » On pense qu'on dort, mais on ne dort vraiment pas. C'est important de le souligner. Et là, on pense tous à quelqu'un. Oui, donc indiquez-lui que ça serait bien qu'il aille voir quelqu'un, juste pour lui, pour son sommeil réparateur, c'est important. On dit aussi qu'une heure en moins de sommeil par rapport à son cycle habituel, ça peut causer des choses plus graves que d'habitude. Hein. Les choses matérielles, hein, on parle d'accident de la route, faute d'inattention. Quand on a un sommeil beaucoup plus équilibré journalier, on va être plus alerte, on va être plus attentif, on va être plus relax, moins de stress. Par contre, à côté de ça, quand on a moins de sommeil et qu'on accumule les heures de sommeil en moins, on va avoir des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète, des problèmes d'infection, des problèmes du coup immunitaires, d'hypertension, et tout ça crée, et un stress en plus qui est là. On avait parlé à la première émission d'hormones et de cortisol. Quand on manque de sommeil, on va sécréter plus de cortisol, donc plus d'adrénaline, donc plus de stress, et ça va être enfin le cercle vicieux qui s'installe. Donc il faut bien dormir, c'est important. On a une pensée pour Katia qu'on embrasse. Voilà, exactement. On recense plus de 100 troubles du sommeil. Donc forcément, pas de culpabilité quand on dort pas bien, surtout pas. Se rajouter de la culpabilité avant de dormir parce qu'on dort pas bien, ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Surtout quand on passe dans des phases d'insomnie, d'insomnie d'une semaine, deux semaines, ça arrive. Hein. Les gens ils vont dormir 2-3 heures et puis... Alors après, il y a une autre chose qui se met en place, c'est de toute façon, je ne vais pas dormir, c'est fichu, etc. C'est ça. Mais quand on sait que le lendemain, il y a une journée à enjeu, par exemple, on se dit, il faut que je sois en forme, il faut absolument que je sois en possession de tous mes moyens, et c'est particulièrement cette fois-là où on ne va pas trouver le sommeil. Exactement, donc ne le faites pas. D'accord. Ne le faites pas, dites-vous, si je suis fatigué, tant pis, de toute façon, si vous avez vraiment un événement, vous aurez la force en vous, l'énergie en vous, pour passer, par exemple, cet examen. Déculpabilisez-vous de ça, prévoyez plutôt... si vous avez déjà votre date à l'avance, de bien dormir les jours avant, déjà bien vous reposer. Et il y a d'autres choses, on avait parlé de la marche la dernière fois. La marche, la petite marche avant de manger pour bien dormir, c'est très bien, c'est très très bien. Il y a plein de choses à mettre en place. Manger. Donc là, c'est une activité physique, mais douce pour le coup. Exactement. Donc on peut quand même se dire, je vais aller marcher parce que déjà pour la digestion, c'est bien. Exactement, super, oui. Et en plus, ça va nous permettre de trouver un apaisement, de pouvoir se dépenser, mais de manière douce. Exactement. Comme on régule certaines hormones pendant la marche, là, on va activer la mélatonine un tout petit peu plus vite, ce qui nous aide à dormir. Actuellement, on entend des pubs à tire-larigot de petites capsules gélifiées à la mélatonine. Vous pouvez la créer vous-même, hein, je vous le dis. Mangez équilibré, marchez un petit peu, prenez un petit livre, et là, vous allez voir, la mélatonine, elle est... Alors, moi, je suis très film et très série, par exemple, mais j'essaie toujours de couper un petit peu avant de dormir, parce que les écrans, ça favorise l'excitation neuronale. Souvent, quand on regarde un écran dans son lit, on va être dans le noir. Donc là, les yeux sont fixés. Mais oui, on est captivé. Exactement. Donc, projection de lumière plus, et ça aide pas à dormir. En plus, généralement, quand vous regardez quelque chose de très près, avec votre téléphone, vous fermez les yeux, vous allez voir, vous avez cette impression de regarder encore les images ou d'avoir des images qui défilent. Ça favorise pas non plus le sommeil. Donc, on essaye de mettre en place un protocole, on va dire dès l'avant-repas. Tout ça, c'est un protocole. Hein, c'est aussi se faire plaisir, c'est aussi se faire du bien, tout ça. De mettre ça en place avant de dormir. Et cette mise en place, généralement, elle favorise le sommeil avant de mettre des choses plus complexes. Comme quand je reçois des gens en sophrologie pour vraiment rétablir un sommeil, où là on va mettre des outils comme on va voir tout à l'heure pour vraiment d'abord relâcher le corps, puis après approfondir notre sommeil. Voilà, tout mettre en place pour approfondir, pardon. Voilà. J'ai hâte de connaître ces outils. Je pense déjà à des choses, hein, que... mais je... allons-y par étapes. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc voilà, on a fait le tour d'à peu près toutes les petites choses, toutes les petites défaillances qu'il pourrait y avoir avec le sommeil. Les plus, hein, je les ai déjà dit, hein, plus attentif, plus alerte, plus de système immunitaire, plus relax. Et du coup, j'ai une question par rapport à ces cycles du sommeil. J'ai entendu dire que lorsqu'on était réveillé, par exemple, au moment où on était dans son sommeil, alors peut-être paradoxal profond, pour le coup, ou profond, quand ça venait interrompre le cycle, on était particulièrement fatigué le lendemain parce que c'était pas réparateur. Exactement, ça c'est quand on attaque le cycle profond, par exemple, je ne sais pas, un chat qui fait tomber quelque chose dans la maison, une machine avec qui se met en route, ou je ne sais pas, il y a tellement de choses possibles, un coup de klaxon, si on interrompt le sommeil profond, effectivement, c'est beaucoup moins réparateur. C'est pas pendant le sommeil léger. Généralement, le sommeil léger, quand il y a quelque chose qui se passe, on va même ouvrir les yeux, se réveiller, etc. Mais par contre, si vous êtes attaqué dans votre sommeil profond, quand je dis attaqué par des bruits environnants, là, effectivement, c'est beaucoup moins réparateur et on va se sentir plus fatigué. Sauf si on met tout de suite l'outil en place pour se remettre dans son cocon et essayer de redormir profondément pour que ça redevienne réparateur. D'accord, ça répond à la question. Donc généralement le sommeil lent, qu'on appelle aussi le sommeil profond, il va être en moyenne de... Pour des gens qui ont un cycle de journée classique, c'est-à-dire d'aller au boulot de 8h à 18h, par exemple, hein, ce sommeil-là, généralement, avec tout ce qu'on a à faire, repas, il va être de 23h à 4h du matin, ce sommeil profond. Ça, c'est avec toujours les mêmes phases. Hein, on passe des phases profondes, légères et paradoxales, mais elles sont moins importantes, légères et paradoxales, pendant 23h à 4h. Donc pendant ces 5 heures-là, c'est là où il faut vraiment... bien dormir, essayer d'être le plus calme possible. Et après, on passe à partir de 4 heures. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent à partir de 4 heures, 4-5 heures. Et puis après, on passe au sommeil paradoxal. Donc, de toute façon, le réveil sonne et... Oui. Et c'est parti. Adieu les jolis rêves. Voilà, exactement. Donc, entre 23h et 4h, il vaut mieux sortir le chat dehors. Par exemple. Comme ça, il n'y a rien qui tombe. Interrompre la machine à laver, voilà. Dire aux voisins de rester calme. De ne pas klaxonner. Exactement. Mais si vous pouvez faire des cycles de 8-9 heures de sommeil, c'est parfait. Parce que après, chacun a son sommeil, comme on dit. Il y a des gens qui, en 5 heures, vont avoir un sommeil réparateur, d'autres 8 heures et d'autres... Il faut vraiment écouter son propre ressenti, son propre corps. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de 12 heures de sommeil. Et c'est comme ça, c'est dur, c'est plus dur pour eux. Dans ce cas-là, j'invite d'aller qu'ils se couchent plus tôt. Ça fait pas jurisprudence au niveau du code du travail, ça. On devrait pouvoir permettre aux salariés de dormir le temps dont ils ont besoin pour être efficaces. On était dans une société un petit peu plus moderne, on devrait laisser les gens aller au travail quand ils veulent et je pense qu'ils seraient beaucoup plus productifs. Mais au Japon, je crois. Je sais pas. Il me semble qu'au Japon. C'est un autre débat, Vincent, un peu sensible ça encore. Ça ne te parle pas, ça, Vincent ? C'est pas au Japon ou en Chine ? Il me semble où il y a des salles justement où les salariés peuvent dormir. Si, et même au Japon, le fait de pouvoir de dormir au travail est signe qu'on a du boulot, pour la simple et bonne raison que si on s'endort au travail, on est débordé, on n'a pas le temps de dormir chez soi, donc on dort au travail. Ah tiens, il faudrait qu'on mette ça en place, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, c'était la petite parenthèse voyage. On va pouvoir passer à notre petite séance. Passons à la petite séance, mais j'ai peur de m'endormir. De toute façon, je t'ai mis un petit coussin là exprès pour que tu puisses... Parfait. Tu peux te mettre entre deux sièges ou sur la moquette, qui est très jolie d'ailleurs. Couleur siège, la moquette. On va pouvoir baisser les lumières. Donc cette séance, elle n'est pas faite pour la faire dans sa voiture à l'arrêt ou sur un siège. Vous pouvez, mais c'est vraiment fait pour écouter donc en podcast ou chez vous. C'est une séance à réécouter ou à enregistrer dans sa tête à chaque fois qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil ou qu'on veut commencer à prendre des habitudes. Et si on veut faire une sieste ? On peut, largement, oui. C'est réparateur, la sieste ? Oui, je pense que ça les gens qui ont besoin... alors, pas des grosses siestes, parce que ça peut jouer sur votre sommeil du soir, mais des petites siestes, hein, il y a des siestes de 10 minutes, 20 minutes, c'est bien, 15 minutes. Parce qu'on n'a pas le temps d'être dans aucun cycle, finalement, quand c'est 20 minutes. Bah, on démarre le sommeil profond, ouais, mais on l'interrompt. Ça. Exactement, on l'interrompt. Donc, ça peut être un peu... Il faut trouver sa sieste. Voilà. Ok. Pour pas sortir un peu de ce côté un peu vaseux, comme on dit, et oui. Qui est un peu handicapant. Mais je pense qu'une petite sieste le midi pour la digestion, c'est très bien. Ça, voilà. Faut s'écouter pour ça, mais pas trop long. Voilà. Ceux qui font une sieste l'après-midi pendant 2 heures, ils vont, je pense, pas être super bien en sommeil profond le soir. Mm. C'est du coup à créer des décalages, en fait. On a un capital sommeil à ne pas dépasser, peut-être. Oui, je pense. D'accord. Pas comme les chats, qui ont 18 heures, je crois, de sommeil par jour. Ça ne fait que dormir, le chat. Alors, on va pouvoir se relaxer. Donc, généralement, vous serez couché dans votre lit, ou sinon, trouvez un endroit où vous pouvez vous poser. Vraiment, si vous voulez faire ça pour la sieste, essayez de déboutonner votre pantalon pour vraiment... lâcher tout ce qui est au niveau de l'abdomen. On va faire une petite mise en place. Vous pouvez vous étirer un petit peu. Tout le corps. Bien ressentir. Être en connexion avec son corps, c'est important. C'est un des piliers de la sophrologie. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Écartez un petit peu les jambes et les bras, les laissez le long du corps, relevez légèrement la tête une fois que vous êtes sur le dos avec le coussin, pas complètement à plat dos, juste un petit peu la tête relevée. Vous allez pouvoir juste d'abord ressentir tout votre corps. En commençant par la tête, justement, qui est appuyée sur l'oreiller. L'importance de cet exercice, c'est de ressentir tous les appuis le plus possible pour se sentir de plus en plus lourd. Plus vous serez lourd, plus vous allez vous enfoncer dans la phase sommeil. En commençant par la tête, l'arrière de la tête, on détend toute la tête, les sourcils. On peut fermer les yeux, laisser les yeux vaciller à droite à gauche. On détend tout le visage, le nez. On desserre la mâchoire. Très important pour dormir, la mâchoire complètement desserrée. On essaye de ressentir. On s'enfonce de plus en plus dans l'oreiller. S'il y a des bruits autour de la chambre, on laisse. Si on est bureau, on n'y prête pas attention. Ça fait partie du jeu, de l'exercice. On accepte. On se dit c'est pas grave. Parce qu'on pense que à nous. On pense qu'à l'exercice, à sa tête qui devient de plus en plus lourde. On va détendre le cou. On déglutit si on a besoin de déglutir. On relâche les épaules, complètement relâchées. Pour le coup, elles ne s'abaissent pas vers le sol, elles s'abaissent vers les omoplates sur le lit. Ce qui va étirer le sternum pour une meilleure respiration. On abaisse les épaules, on détend les bras jusqu'aux coudes, les avant-bras, jusqu'aux poignets, puis les mains. Et on relâche les doigts où il y a beaucoup de micro-tensions. On relâche complètement et on ressent le poids des bras sur le matelas. On relâche comme si on était complètement lourd dans le matelas. La tête toujours aussi. On peut prendre une grande inspiration par le nez. Et expiration par le nez. Pour détendre complètement les parties qu'on vient de détendre, on installe le calme petit à petit on ne pense qu'à ça. S'il y a des petites pensées qui commencent à arriver, on les laisse passer sans juger. On se dit qu'elles ne nous atteignent pas, comme les bruits autour, car on est trop occupé à détendre notre corps, à relâcher toutes les tensions. On va pouvoir poursuivre, relâcher la poitrine, le sternum, tout en continuant de bien respirer par le nez. Inspire le calme, expire la détente, et quand j'expire, je m'enfonce de plus en plus dans le matelas. On va détendre l'abdomen, complètement relâché. Vous devez ressentir à l'inspire, ça fait même un léger effort vers le dessus. À l'expire, on relâche tout vers le matelas, tout redescend, tout s'enfonce. On va entendre notre ventre commencer à faire ses bruits de digestion, à se remettre en place. Il commence son travail de sommeil. Il va faire son boulot tout le long de votre sommeil profond. On le laisse faire. On va pouvoir continuer en détend toute la partie fessier, toute la partie pelvienne. On détend, on ressent chaque pli du matelas. On détend de plus en plus lourd. On va détendre de la nuque jusqu'au coccyx, la colonne vertébrale, vous allez ressentir à chaque inspiration. Chaque expiration, un peu de calme, un peu de détente dans toute la colonne. Vous laissez vous enfoncer, vous laissez libérer chaque tension, petit à petit. Et si vous sentez que vous partez, vous laissez partir. Et si vous revenez, vous revenez à l'exercice où vous en étiez. On respire, on détend. On respire. On s'enfonce de plus en plus, on est de plus en plus lourd. Vous sentez ce poids. Sentez tous ces appuis sur votre corps. On va pouvoir détendre les jambes, les cuisses. Relâcher jusqu'aux genoux. Relâchez les mollets, les tibias jusqu'aux chevilles, puis les pieds, les talons, vous devez sentir les talons s'enfoncer dans le matelas. Si vous êtes au bureau, vous sentez les pieds bien au sol, vous enfoncez dans votre chaise. Vous allez pouvoir respirer par le nez, une grande inspiration. Et une grande expiration. Si vous voulez, vous pouvez même compter, essayez d'inspirer jusqu'à 5. Expirez jusqu'à 5. Toujours par le nez et toujours à chaque expiration, détendre de plus de tension et être de plus en plus lourd sur le matelas. Vous avez le visage, le cou, l'abdomen, le dos, les fessiers, les jambes, les pieds, les mains, tout complètement détendu. On va pouvoir, si vous avez trop d'images en tête, faire de la visualisation. On va commencer d'abord pour trouver quelque chose qui s'est passé de positif dans la journée. Il y a toujours quelque chose de positif. De se dire merci, merci d'avoir un toit, merci d'avoir la santé. On trouve toujours quelque chose d'un peu positif. On va se dire merci dans sa tête. Et de s'enfoncer encore un peu plus lourd dans son matelas. Si on a besoin de se tourner sur un côté pour continuer, on se tourne et on fait exactement le même exercice. C'est-à-dire qu'on relâche chaque tension, On garde juste un petit peu d'attention pour le souffle par le nez. Maintenant, on va pouvoir visualiser. Vous pouvez prendre un endroit que vous adorez. Pas trop stimulant, juste un endroit calme. Reposant, n'importe lequel. Et comme c'est vous qui décidez, c'est vous qui contrôlez, rien ne peut se passer que du calme et de la détente dans cet endroit. On peut juste visualiser sa chambre, si on se sent bien dans notre lit. En tout cas, rien ne peut se passer à part du bien. Vous pouvez vous voir, par exemple, sur de l'herbe fraîche, juste pour sentir cette fraîcheur qui ne vous mouille pas, juste vous ressentez cette fraîcheur. Vous êtes allongé comme sur votre matelas, sur le dos, et vous enfoncez petit à petit dans cette herbe qui vous fait de plus en plus de bien. Ça vous donne même un léger sourire. Vous pouvez ressentir, vous pouvez sentir même les odeurs. Le frais. Vous pouvez ressentir tout votre corps relâché, complètement détendu, tout ce qu'il faut pour dormir calmement. Et juste avant de dormir, on va se dire que demain c'est une bonne journée. Demain je me sentirai bien. Demain, je me sentirai bien parce que je vais faire une bonne nuit de sommeil. Et si j'interromps mon sommeil pendant la nuit, je culpabilise pas, je recommence l'exercice et je me rendors tranquillement. On va pouvoir s'enfoncer dans cette image petit à petit et laisser sa respiration aller à son rythme. Et on va pouvoir laisser le marchand de sable passer en continuant cet exercice petit à petit. Et ça sera la fin pour aujourd'hui. Merci Antoine. Merci Radioactive. On vous souhaite à tous une très bonne nuit, une très bonne sieste. Et vous pouvez retrouver ce podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM et le réécouter quand vous voulez, chez vous. Exactement. Pensez bien à la respiration pour le sommeil. Je ne fais pas de séance réveil. Pas de réveil après cette séance-là, mais pensez bien à la respiration, c'est l'essentiel. Si vous êtes concentré sur la respiration, vous n'êtes pas concentré sur autre chose. Le cerveau ne fait pas deux choses à la fois. Et comme ça, vous vous faites vous installer la détente en vous, et déjà, ça va vous aider. Merci beaucoup, Antoine. Merci encore à vous. À très bientôt pour la prochaine chronique bien-être. À bientôt.